Quand je fais les songes, je me vois toujours revenir dans la maison de ma mère. Je me vois toujours revenir dans la maison de ma mère. Je me vois toujours en train de revenir. Je reviens, je reviens, je reviens. Dans les songes, je suis toujours ici. J'habite toujours ici dans mes songes. Et moi et ma maman, on était beaucoup. Bon, au départ, on était beaucoup. On était trop liés au Plus départ. des complices. Elle et moi. Voilà, on était beaucoup complices. Ça fait que l'argent de la débauche, de la prostitution, tout le monde, je payais des choses pour venir lui donner. Je faisais des choses. Je venais lui donner. Elle savait la vie que tu menais. Oui, hein? Elle savait bien ce que tu faisais. Oui, mais elle trouvait ça normal, en fait. Elle trouvait normal. Elle trouvait ça normal. Mon fils est resté là-bas. Pardon, rien. Envoyez une chose, Roméo. Excusez-moi. Envoyez Roméo pour aller chercher tout pour moi. Et je moi-même. Mais on ne peut pas dire. Oui, tout parti. J'entends cela. Moi, je peux peut-être que lui connaît. C'est chaud. Maman, je vais vous aller. Voilà, la personne est partie. Allô? Oui. J'ai ma petite soeur. Ok. Maintenant, reste posé, que ta vidéo soit posée. On continue. J'ai dit, n'est-ce pas? Ta maman était au courant de la vie que tu menais. Elle ne s'intéressait pas. Elle ne s'intéressait qu'au bien que tu lui apportais. Oui. Non, il n'y a pas ça. Excuse-moi. Oui. Je disais donc que ta maman s'intéressait seulement au bien, à l'argent que tu as apporté, au bien matériel que tu as apporté. Voilà. Voilà. Elle t'avait jamais Bon, conseillé que c'est pas elle. bon, c'est pas une bonne vie, ça. Non. Et même aucune Bon, de. elle avait dit à ma camarade, je n'ai pas encore fait d'enfant. Elle avait dit à ma camarade que non. Ma camarade est venue me dire que, ah, vraiment, ta maman dit, avant qu'elle ne meure là, même, elle veut que même tu fasses un enfant, elle veut voir son petit enfant avant de partir. Que depuis là, moi, je ne fais pas d'enfant. Donc, moi aussi, ça m'a poussé aussi. J'allais faire mon premier enfant au mariage. Et je n'ai rencontré que des musulmans. Des musulmans qui vont consulter les marabouts, les filles. Les marabouts, les tout comme ça. Ils m'ont même dit de venir faire aussi, tout ça aussi. Bon, de moi-même avant, par ma copine, elle était burkinabé, elle m'envoyait souvent pour aller consulter chez les gens, pour voir un peu ma vie. Je partais, je faisais, mais c'était. Il n'y avait pas de résultat, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien. Voilà. Bon, maintenant, Oui, je suis partie pour. oui, tu es allé chercher les marabouts, Oui, tu as considéré les marabouts, ça n'a rien donné. je l'ai fétiché aussi. Tu n'as pas à utiliser les fétiches pour pouvoir charmer les blancs, charmer les hommes mariés. J'ai pas fait quoi? Tu n'as pas à utiliser les fétiches pour pouvoir charmer les gens pour qu'ils t'aiment beaucoup, pour travailler sur ton corps. Non. Peut-être c'est, comment il s'appelle, le blanc qui est mort là. Oui. Lui, par contre, je suis partie voir le marabout pour dire qu'il n'a qu'à me donner, je veux qu'il n'a qu'à me donner beaucoup d'argent. Oui. Donc, il a fait un cadenas, il a demandé son nom. Oui. Il m'a dit d'écrire son nom dans un cadenas, Oui. d'écrire son nom sur un papier. Tu veux lui donner. Il a mis ça dans un cadenas, Il a je vais fait. lui donner, puis il va mettre ça dans un cadenas. Et le monsieur va me donner beaucoup d'argent. C'est ce qu'il m'a dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, le monsieur me donnait l'argent.